11, observation, compte et dépenses. Argent français. Pièce, une pièce de 5 centimes, Une pièce de 10 centimes. une pièce de 20 centimes, Une pièce de 50 centimes. une pièce de 1 franc, Une pièce de 2 francs. une pièce de 5 francs, Une pièce de 10 francs. billet, un billet de 20 francs, Un billet de 50 francs. un billet de 100 francs, Un billet de 200 francs. un billet de 500 francs.